donner le turf fait le blaze, à sa passe ton chemin. Ici la métaphore maintient le malin loin. Quand le terrain devient malsain, et de mon arsenal, 100 fois éprouvé, 1000 techniques disséquées, extrait d'acier trempé, durement forgé, pour que mon art fasse mal. Je suis facial, c'est l'effet escompté. Quand la rythmique s'emballe, régale l'oreille des puristes, prise de risque pour cheval de bataille. Mélodie salvatrice ou ultime, annonçant l'estocade finale. Sous format digital, bestial sera le choc frontal. Et on se bat plus pour le hip-hop à présent, mais bien pour sa poirée. Tout a changé sauf le son qui baisse les alignés sur le trottoir. Et si tu crois que je vais lâcher mon crew, tu te gourres sans crocher l'aura de fidélité. Habilité à ruiner nos rôles et corps sensibilité. Y'a pas d'utilité puisqu'à l'écoute de son rond devient animal. On n'est plus les mêmes, rien à foutre forain, on vient pour faire mal. Dans mon verre par mal, pour ton futur ban ou tel chien. Tu la danses, prends la sentence, moi et de mes os, tiens. Tu sais que rarement j'arrondis les coins, ouais. Sur mes i y'a toujours du point, ouais. Ça laisse l'hypocrite mal en point, regarde tous gardent leur regard en point. Tous savent que le crew débarque, sèchement pointu comme sur un. Car cadeau divin devient dangereux ravin, mis dans de mauvaises mains. Traîne sur terre comme l'or qu'en mer, glace en pire qu'un gel d'hiver. Voix sous la froide pierre, gisent leurs espoirs, brisés tel le verre. L'air austère, pas nécessaire, juste une discipline de fer. Un ange de même matière, ils transforment des carrières en fait divers. Vers le grand chelem, tu penses que diadème, il faut que t'apprennes. On n'a rien sans rien, tends l'oreille et prends ce qu'on t'amène. Garde que ta manne, toute la crème, sans le son, sur le fond. Vers le grand chelem, tu penses que diadème, il faut que t'apprennes. On n'a rien sans rien, tends l'oreille et prends ce qu'on t'amène. Garde que ta manne, toute la crème, sans le son, sur le fond. J'assume les répercussions, si je crame la piste étoilée. C'est sa vie, ses répulsions, vision jamais dévoilée. J'ai dangereux sans rémission, posture une once décalée. Pour cette nouvelle édition, disent que ça tu crois aller. On voulait nous voir revenir comme des putains de condamnés devant l'importance. On amène la constance, l'abondance de la rime devant la pertinence. Profondément atteint, loin de vos paradènes, vos festins, vos fautins. Ce qu'on cherche ici c'est la race, c'est pas le menu frottin. Le sarrasin de cause, fossé en d'alame. Passe mes blâmes et rames, crame et gramme et clame. Que mes gars sur beat c'est du butane. Faut qu'on brise l'âme, le but relever le niveau sur le terrain. Et le malsain, match à la fin de commérage, tracking. Je reste dans la même veine, strict dans les termes, verbe ferme. Smithyle une terre vierge, embrase mes foulées. La saga traverse les âges, t'inquiète, arrête tes recherches. Ce laboratoire est d'abord des beats phénoménaux comme une bête d'herpès. À l'assaut du monde comme naguère Xerxes. L'air que j'expulse, c'est la pression que j'exerce. Préserve l'art du MC en but à l'extinction de l'espèce. Rime est-ouest, pas de chapelle, chapelle marqué offert. Chien, prends ses vers, c'est offert. Et profites-en pour changer en chemin les 200 mots que tu profères. Maintenant prions, car blisse et glissé dans nos artères. Parade en ville en triomphe. Projette la tyrannie de nos embryons, puis des pyramides sur le reste. Semant les froids dans les environs, sordide, timide sur le geste. Espère le grand chelem, tu penses qu'au diadème, il faut que t'apprennes. On n'a rien sans rien, tends l'oreille et prends ce qu'on t'amène. Garde que ta manne, que de la crème. Sans le son, sur le fond, espère le grand chelem. Tu penses qu'au diadème, il faut que t'apprennes. On n'a rien sans rien, tends l'oreille et prends ce qu'on t'amène. Garde que ta manne, que de la crème. Sans le son, sur le fond. Tu te voyais déjà en haut de l'affiche comme Aznavour, hein. T'en as peut-être impressionné plus d'un, je l'avoue. Mais c'est notre heure, et ça le premier plat, alors savoure. Extraque une tranche extraite de l'enveloppe de notre bravoure. Franchement bien, hein, terrible. Hein. Ouais, bonne atmosphère, super. Ah ouais. Franchement, ouais, il est assuré. Bon, j'espère que... J'ai pas l'impression qu'on soit très très très en avance. Hein. Je nous entend. Hein. Bah, j'ai entendu boum, boum, boum, boum, boum, de l'autre côté, mais... Ouais, voilà, voilà, j'arrive. Oh. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, il est con, on est en train de bosser, qu'on a.